Lévin était marié depuis près de 3 mois. Il était heureux, mais autrement qu'il ne l'avait pensé, et malgré certains enchantements imprévus, se heurtait à chaque pas à quelques désillusions. La vie conjugale était très différente de ce qu'il avait rêvé. Semblable à un homme qui, ayant admiré la marche calme et régulière d'un bateau sur un lac, voudrait le diriger lui-même, il sentait la différence qui existe entre la simple contemplation et l'action. Il ne suffisait pas de rester assis sans faux mouvement, il fallait encore songer à l'eau sous ses pieds, diriger l'embarcation, soulever d'une main novice les rames pesantes. Jadis, étant encore garçon, il avait souvent ri intérieurement des petites misères de la vie conjugale, querelles, jalousies mesquines, préoccupations. Jamais rien de semblable ne se produirait dans son ménage, jamais son existence intime ne ressemblerait à celle des autres. Et voilà que ces mêmes petitesses se reproduisaient toutes et prenaient, quoi qu'il fît, une importance indiscutable. Comme tous les hommes, Lévin s'était imaginé rencontrer les satisfactions de l'amour dans le mariage sans y admettre aucun détail prosaïque. L'amour devait lui donner le repos après le travail. Sa femme devait se contenter d'être adorée et il oubliait absolument qu'elle aussi avait des droits à une certaine activité personnelle. Grande fut sa surprise de voir cette poétique et charmante Kitty capable de songer, presque dès les premiers jours de leur mariage, au mobilier, à la literie, au linge, au service de la table, au cuisinier. La façon dont elle avait refusé de voyager pour venir s'installer à la campagne l'avait frappée pendant leur fiançailles. Maintenant, il se sentait froissé de constater qu'après plusieurs mois, l'amour ne l'empêchait pas de s'occuper des côtés matériels de la vie, et il la plaisantait à ce sujet. Malgré tout, il l'admirait et s'amusait de l'avoir présidé à l'installation de la maison avec les nouveaux meubles arrivés de Moscou, faire poser les rideaux, organiser les chambres d'amis à l'intention de Dolly, diriger la nouvelle femme de chambre, le vieux cuisinier, entrer en discussion avec Agathe Mikhailovna et lui retirer la garde des provisions. Le vieux cuisinier souriait doucement, recevant des ordres fantaisistes impossible à exécuter. Agathe Mikhailovna secouait la tête d'un air pensif devant les nouvelles mesures décrétées par sa jeune maîtresse. Lévin les regardait, et quand Kitty venait, moitié riant, moitié pleurant, se plaindre à lui de ce que personne ne la prenait au sérieux, il trouvait sa femme charmante mais étrange. Il ne comprenait rien au sentiment de métamorphose qu'elle éprouvait en se voyant maîtresse d'acheter des montagnes de bonbons, de dépenser, de commander ce qu'elle voulait, habituée qu'elle avait été chez ses parents à restreindre ses fantaisies. Elle se préparait avec joie à l'arrivée de Dolly avec ses enfants, aux gâteries qu'elle aurait pour les petits. Les détails du ménage l'attiraient invinciblement, et comme en prévision des mauvais jours, elle faisait instinctivement son petit nid à l'approche du printemps. Ce zèle pour des bagatelles, très contraire à l'idéal de bonheur exalté rêvé par Lévin, fut par certains côtés une désillusion, tandis que cette même activité, dont le but lui échappait, mais qu'il ne pouvait voir sans plaisir, lui semblait, sous d'autres aspects, un enchantement inattendu. Les querelles furent aussi des surprises. Jamais Lévin ne se serait imaginé qu'entre sa femme et lui, d'autres rapports que ceux de la douceur, du respect, de la tendresse puissent exister. Et voici que, dès les premiers jours, ils se disputèrent. Kitty déclara qu'il n'aimait que lui-même et fondit en larmes avec des gestes désespérés. La première de ces querelles survint à la suite d'une course que fit Lévin à une nouvelle ferme. Il resta absent une demi-heure de plus qu'il n'avait dit, s'étant égaré en voulant rentrer par le plus court. Kitty occupait exclusivement sa pensée tandis qu'il approchait de la maison, et, tout en cheminant, il s'enflammait à l'idée de son bonheur, de sa tendresse pour sa femme. Il accourut au salon dans un état d'esprit analogue à celui qu'il avait éprouvé le jour de sa demande en mariage. Un visage sombre qu'il ne connaissait pas l'accueillit. Il voulut embrasser Kitty, elle le repoussa. « Qu'as-tu ? Oh, tu t'amuses, toi, commença-t-elle, voulant se montrer froidement amère. Mais à peine eut-elle ouvert la bouche, que l'absurde jalousie qui l'avait tourmentée pendant qu'elle attendait, assise sur le rebord de la fenêtre, éclata en paroles de reproche. Il comprit alors clairement pour la première fois, ce qu'il n'avait compris jusque-là que confusément, que la limite qui les séparait était insaisissable, et qu'il ne savait plus où commençait et où finissait sa propre personnalité. Ce fut un douloureux sentiment de scission intérieure. Jamais pareille impression ne lui revint aussi vive. Il voulait se disculper, prouver à Kitty son injustice. Il eût été porté par habitude à rejeter les torts sur elle, mais il l'aurait ainsi irrité davantage en augmentant leur dissentiment. Rester sous le coup d'une injustice était cruel. La froisser sous prétexte de justification était plus fâcheuse encore. Comme un homme luttant à moitié endormi avec un mal douloureux qu'il voudrait s'arracher, constate au réveil que ce mal est au fond de lui-même, il reconnaissait que la patience était l'unique remède. La réconciliation fut prompte. Kitty, sans l'avouer, se sentait dans son tort et se montra si tendre que leur amour n'en fut que plus grand. Malheureusement, ces difficultés se renouvelèrent souvent pour des raisons aussi futiles qu'imprévues et parce qu'ils ignoraient encore mutuellement ce qui pour l'un et l'autre avait de l'importance. Ces premiers mois furent difficiles à passer. Ils n'étaient de bonne humeur ni l'un ni l'autre, et la cause la plus puérile suffisait à provoquer une mésintelligence dont la cause leur échappait ensuite. Chacun d'eux tiraillait de son côté la chaîne qui les liait, et cette lune de miel, dont Lévin attendait des merveilles, ne leur laissa en réalité que des souvenirs pénibles. Tous deux cherchèrent par la suite à effacer de leur mémoire les mille incidents regrettables, presque ridicules, de cette période pendant laquelle ils se trouvèrent si rarement dans un état d'esprit normal. La vie ne devint plus régulière qu'à leur retour de Moscou, où ils firent un court séjour dans le troisième mois qui suivit leur mariage. Ils étaient rentrés chez eux et jouissaient de leur solitude. Lévin, installé à son bureau, écrivait. Kitty, vêtue d'une robe violette, chère à son mari, parce qu'elle l'avait portée dans les premiers jours de leur mariage, faisait de la broderie anglaise, assise sur le grand divan de cuir qui meublait le cabinet de travail comme du temps du grand-père et du père de Lévin. Celui-ci jouissait de la présence de sa femme tout en réfléchissant et en écrivant. Ses travaux sur la transformation des conditions agronomiques de la Russie n'avaient pas été abandonnés, mais s'il lui avait paru misérable jadis, comparés à la tristesse qui assombrissait sa vie, maintenant, en plein bonheur, il les trouvait insignifiants. Autrefois, l'étude lui était apparue comme le salut. Actuellement, elle évitait à sa vie un bien-être trop uniformément lumineux. En relisant son travail, Lévin constata avec plaisir qu'il avait de la valeur, malgré certaines idées exagérées, et il parvint à combler bien des lacunes en reprenant à nouveau l'ensemble de la question. Dans un chapitre qu'il refit complètement, il traitait des conditions défavorables faites à l'agriculture en Russie. La pauvreté du pays ne tenait pas uniquement, selon lui, au partage inégal de la propriété foncière et à de fausses tendances économiques, mais surtout à une introduction prématurée de la civilisation européenne. Les chemins de fer, œuvres politiques et non économiques, produisaient une centralisation exagérée, le développement du luxe, et par conséquent la création au détriment de l'agriculture, d'industries nouvelles, l'extension exagérée du crédit et la spéculation. Il croyait que l'excroissement normal de la richesse d'un pays n'admettait ces signes de civilisation extérieure qu'autant que l'agriculture y avait atteint un degré de développement proportionnel. Tandis que Lévin écrivait, Kitty songeait à l'attitude étrange de son mari la veille de leur départ de Moscou à l'égard du jeune prince Tchalski qui, avec assez peu de tact, lui avait fait un brin de cour. « Il est jaloux, pensait-elle, mon Dieu, qu'il est gentil et bête, s'il savait l'effet qu'ils me produisent tous, exactement le même que Pierre le cuisinier. » Et elle jeta un regard de propriétaire sur la nuque et le cou vigoureux de son mari. « C'est dommage de l'interrompre, mais il aura le temps de travailler plus tard. Je veux voir sa figure. Sentira-t-il que je le regarde? Je veux qu'il se retourne. » Et elle ouvrit les yeux tout grands comme pour donner plus de force à son regard. Oui, et ils attirent à eux la meilleure sève et donnent un faux semblant de richesse, murmura Lévin, quittant sa plume en sentant le regard de sa femme fixé sur lui. Il se retourna. « Qui a-t-il ? » demanda-t-il, souriant et se levant. « Il s'est retourné, » pensa-t-elle. « Rien, je voulais te faire retourner. » Et elle le regardait avec le désir de deviner s'il était mécontent d'avoir été dérangé. « Que c'est bon d'être à nous deux ! Pour moi, au moins, dit-il en s'approchant d'elle, radieux de bonheur. « Je me trouve si bien ici que je n'irai plus nulle part, surtout pas à Moscou. »« À quoi pensais-tu ? Moi, je pense... »« Ah non, va-t'en écrire. Ne te laisse pas distraire, » répondit-elle avec une petite moue. « J'ai besoin de couper maintenant tous ces œillets-là, tu vois. » Et elle prit ses ciseaux à broder. « Non. Dis-moi, à quoi tu songes ? » répéta-t-il, s'asseyant près d'elle et suivant les mouvements de ses petits ciseaux. « À quoi je pensais ? À Moscou et à toi. Comment ai-je fait pour mériter ce bonheur ? Ce n'est pas naturel, » dit-il en lui baisant la main. « Moi, plus je suis heureuse, plus je trouve que c'est naturel. » « Tu as une petite mèche, » dit-il en lui tournant la tête avec précaution. « Une mèche, oh, mais laisse-la tranquille, nous nous occupons de choses sérieuses. » Mais les choses sérieuses étaient interrompues, et lorsque Kousma vint annoncer le thé, ils se séparèrent brusquement comme des coupables. Resté seul, Lévin serra ses cahiers dans un nouveau buvard acheté par sa femme, se lava les mains dans un lavabo élégant, aussi acheté par elle, et tout en souriant à ses pensées, hocha la tête avec un sentiment qui ressemblait à un remords. Sa vie était devenue trop molle, trop gâtée. C'était une vie de capoue dont il se sentait un peu honteux. « Cette existence ne vaut rien, » pensait-il. « Voilà bientôt 3 mois que je flâne. Pour la première fois, je me suis mis à travailler aujourd'hui et à peine ai-je commencé que j'y ai renoncé. Je néglige même mes occupations ordinaires. Je ne surveille plus rien, je ne vais nulle part. Tantôt j'ai dû regarder de la quitter, tantôt je crains qu'elle ne s'ennuie. Moi qui croyais que jusqu'au mariage, l'existence ne comptait pas et ne commençait réellement qu'après. Et voilà bientôt 3 mois que je passe mon temps d'une façon absolument oisive. Cela ne doit pas continuer. Ce n'est pas de sa faute à elle, et on ne saurait lui faire le moindre reproche. J'aurais dû montrer de la fermeté et défendre mon indépendance d'homme, car on finirait par prendre de mauvaises habitudes. » Un homme mécontent de se défend difficilement de rejeter sur quelqu'un la cause de ce mécontentement. Aussi Lévin songeait-il avec tristesse que, si la faute n'en était pas à sa femme, il ne pouvait l'accuser. C'était celle de son éducation. Cet imbécile de Tchalski, par exemple, elle n'avait pas même su le tenir en respect. En dehors de ces petits incidents de ménage, ceux-là, elle les soignait. De sa toilette et de sa broderie anglaise, rien ne l'occupait. Aucune sympathie pour mes travaux, pour l'exploitation ou pour les paysans, pas de goût même pour la lecture ou la musique. Et cependant, elle est bonne musicienne. Elle ne fait absolument rien et se trouve néanmoins très satisfaite. Lévin, en la jugeant ainsi, ne comprenait pas que sa femme se préparait à une période d'activité qui l'obligerait à être tout à la fois femme, mère, maîtresse de maison, nourrice, institutrice. Il ne comprenait pas qu'elle s'accordât ses heures d'insouciance et d'amour parce qu'un instinct secret l'avertissait de la tâche qui l'attendait, tandis que lentement elle apprêtait son nid pour l'avenir. Lévin trouva en remontant sa femme assise devant son nouveau service à thé, lisant une lettre de Dolly, car elles entretenaient une correspondance suivie, et Agathe Mikhailovna, du thé devant elle, installée à côté de sa jeune maîtresse. « Vous voyez, Notre-Dame m'a ordonné de m'asseoir ici, » dit la vieille femme en regardant Kitty avec affection. Ces derniers mots prouvèrent à Lévin la fin d'un drame domestique entre Kitty et Agathe Mikhailovna. Malgré le chagrin qu'elle avait causé à celle-ci en s'emparant des rênes du gouvernement, Kitty victorieuse était arrivée à se faire pardonner. « Tiens, voici une lettre pour toi, » dit Kitty, en tendant à son mari une lettre dépourvue d'orthographe. « C'est, je crois, de cette femme, tu sais, de ton frère, je ne l'ai pas lu. Celle-ci vient de Dolly. Figure-toi qu'elle a mené Grisha et Tania à un bal d'enfants chez les Sarmatsky. Tania était en marquise. » Mais Lévin ne l'écoutait pas. Il prit en rougissant la lettre de Marie Nikolaïevna, l'ancienne maîtresse de Nicolas, et la parcourut. Elle lui écrivait pour la seconde fois. Dans la première lettre, elle disait que Nicolas l'avait chassée sans qu'il eût rien à se reprocher, et ajoutait, avec une naïveté touchante, qu'elle ne demandait aucun secours, quoique réduite à la misère, mais que la pensée de Nicolas Dmitritch la tuait. Que deviendrait-il, faible comme il était? Elle suppliait son frère de ne pas le perdre de vue. La seconde lettre était sur un ton différent. Elle disait avoir retrouvé Nicolas à Moscou et en être partie avec lui pour une ville de province où il avait obtenu une place. Là, s'étant querellé avec un de ses chefs, il avait repris le chemin de Moscou. Mais tombé malade en route, il ne se relèverait probablement plus. « Il vous demande constamment, et d'ailleurs nous n'avons plus d'argent, » écrivait-elle. « Lis donc ce que Dolly écrit de toi, » commença Kitty, mais voyant la figure bouleversée de son mari, elle se tut. « Qu'y a-t-il? Qu'arrive-t-il? » « Elle m'écrit que Nicolas, mon frère, se meurt. Je vais partir. » Kitty changea de visage. Dolly, Tania, marquise, tout était oublié. « Quand donc partiras-tu ?»« Demain. »« Puis-je t'accompagner ?» demanda-t-elle. « Kitty, quelle idée ! » répondait-il sur un ton de reproche. « Comment ?» « Quelle idée, dit-elle froissée, de voir sa proposition reçue de si mauvaise grâce. Pourquoi donc ne partirais-je pas avec toi? Je ne te gênerai en rien. » Mais je pars parce que mon frère se meurt, dit Lévin. Qu'as-tu à faire là-bas? mais ce que tu y feras toi-même. Dans un moment si grave pour moi, elle ne songe qu'à l'ennui de rester seule, pensa Lévin. Et cette réflexion l'affligea. C'est impossible, répondait-il sévèrement. Agathe Mikhailovna, voyant les choses se gâter, déposa sa tasse et sortit. Kitty ne le remarqua même pas. Le ton de son mari l'avait d'autant plus blessé qu'il n'attachait évidemment aucune importance à ses paroles. Je te dis, moi, que si tu pars, je pars aussi. Je t'accompagnerai certainement, dit-elle vivement et avec colère. Je voudrais bien savoir pourquoi ce serait impossible. Pourquoi dis-tu cela ? Parce que Dieu sait tout, dans quelle auberge je le trouverai, par quelle route j'arriverai jusqu'à lui. Tu ne feras que me gêner, dit Lévin, cherchant à gagner son sang-froid. Aucunement. Je n'ai besoin de rien. Où tu peux aller, je peux aller aussi, et pas quand ce ne serait qu'à cause de cette femme avec laquelle tu ne peux te trouver en contact. Mais pourquoi ? Je n'ai rien à savoir de toutes ces histoires. Ce ne sont pas mes affaires. Je sais que le frère de mon mari se meurt, que mon mari va le voir et que je l'accompagne pour... Non, Kitty, ne te fâche pas. Et songe que dans un cas aussi grave, il m'est douloureux de te voir mêler à mon chagrin une véritable faiblesse, la crainte de rester seule. Si tu t'ennuies, va à Moscou. Oh, voilà comme tu es. Tu me supposes toujours des sentiments mesquins, s'écria-t-elle étouffée par des larmes de colère. Je ne suis pas faible. Je sens qu'il est de mon devoir de rester avec mon mari dans un moment pareil. Et tu veux me blesser en te méprenant volontairement sur mon compte. Mais c'est affreux de devenir ainsi esclave, cria Lévin en se levant de table, incapable de dissimuler son mécontentement. Au même instant, il comprit qu'il se fustigeait lui-même. Pourquoi alors t'es-tu marié ? Tu serais libre ? Pourquoi, si tu te repens déjà ? Et Kitty se sauva au salon. Quand il vint la rejoindre, elle sanglotait. Il chercha d'abord des paroles, non pour la persuader, mais pour la calmer. Elle ne l'écoutait pas et n'admettait aucun de ses arguments. Il se baissa vers elle, prit une de ses mains récalcitrantes, la baisa ses cheveux et encore sa main. Elle se taisait toujours. Mais quand enfin il lui prit la tête entre ses deux mains et l'appela « Kitty !» Elle s'adoucit, pleura, et la réconciliation se fit aussitôt. On décida de partir ensemble. Lévin se déclara persuadé qu'elle tenait uniquement à se rendre utile et qu'il n'y avait rien d'inconvenant à la présence de Marie Nikolaïevna auprès de son frère. Mais au fond du cœur, il s'en voulait, et il en voulait à sa femme. Chose étrange, lui qui n'avait pu croire au bonheur d'être aimé d'elle, se sentait presque malheureux de l'être trop. Mécontent de sa propre faiblesse, il s'effrayait à l'avance du rapprochement inévitable entre sa femme et la maîtresse de son frère. L'idée de les voir dans la même chambre le remplissait d'horreur et de dégoût. L'hôtel de province où se mourait Nicolas Lévin était un de ces établissements de construction récente, ayant la prétention d'offrir à un public peu habitué à ces raffinements modernes la propreté, le confort et l'élégance, mais que ce même public avait vite transformé en un cabaret mal tenu. Tout y produisit à Lévin un effet pénible. Le soldat en uniforme sordide servant de Suisse et fumant une cigarette dans le vestibule, l'escalier de fonte, sombre et triste, le garçon en habit noir couvert de taches, la table d'hôte ornée de son affreux bouquet de fleurs en cire, grise de poussière, l'état général de désordre et de malpropreté et jusqu'à une activité pleine de suffisance qui lui parut tenir du ton à la mode, introduits par les chemins de fer, et tout cet ensemble ne cadrait en rien avec ce qui les attendait, et ils y trouvaient un contraste pénible avec leur bonheur de si fraîche date. Les meilleures chambres se trouvèrent occupées. On leur offrit une chambre malpropre en leur en promettant une autre pour le soir. Lévin y conduisit sa femme, vexé de voir ses prévisions si vite réalisées et d'être forcé de s'occuper de l'installer au lieu de courir vers son frère. « Va, va vite !» dit-elle d'un air contrit. Il sortit sans mot dire et se heurta près de la porte à Marie Nikolaïevna qui venait apprendre son arrivée. Elle n'avait pas changé depuis Moscou. C'était la même robe de laine, laissant à découvert son cou et ses bras, et la même expression de bonté sur son gros visage grêlé. « Eh bien, comment va-t-il ? » « Oh, très mal. Il ne se lève plus et vous attend toujours. Vous êtes avec votre épouse ?» Lévin ne se douta pas du tout d'abord de ce qui la rendrait confuse, mais elle s'expliqua aussitôt. « Je m'en irai à la cuisine, il sera content. Il se rappelle l'avoir vu à l'étranger. » Lévin comprit qu'il s'agissait de sa femme et ne sut que répondre. « Allons, allons, » dit-il. Mais à peine avait-il fait un pas que la porte de sa chambre s'ouvrit et Kitty parut sur le seuil. Lévin rougit de contrariété en voyant sa femme dans une aussi fausse position. Mais Marie Nikolaïevna se rougit bien plus encore et, se serrant contre le mur prête à pleurer, elle enveloppa ses mains rouges de son petit châle pour se donner une contenance. Lévin s'aperçut de l'expression de curiosité avide qui se peignit dans le regard jeté par Kitty sur cette femme incompréhensible pour elle et presque terrible. Ce fut l'affaire d'une seconde. « Eh bien, qu'y a-t-il » demanda-t-elle à son mari. « Nous ne pouvons rester à causer dans le couloir, » répondit Lévin d'un ton irrité. « Eh bien, entrez, » dit Kitty, se tournant vers Marie Nikolaïevna qui battait sa retraite. Puis, voyant l'air effrayé de son mari, « Ou plutôt, allez, allez et faites-moi chercher !» ajouta-t-elle en rentrant dans sa chambre. Lévin se rendit chez son frère. Il croyait le trouver dans l'état d'illusion propre au phtisique et qu'il avait frappé lors de sa dernière visite, plus faible aussi et plus maigre, avec des indices d'une fin prochaine, mais se ressemblant encore. Il pensait bien être ému de pitié pour ce frère aîné, et retrouver plus forte même les terreurs que lui avait naguère fait éprouver l'idée de sa mort. Mais ce qu'il vit fut très différent de ce qu'il attendait. Dans une petite chambre sordide, sur les murs de laquelle bien des voyageurs avaient dûment craché et qu'une mince cloison séparait mal d'une autre chambre où l'on causait, dans une atmosphère étouffée et malsaine, il aperçut sur un mauvais lit un corps légèrement abrité sous une couverture. Sur cette couverture s'allongeait une main énorme comme un râteau, et tenant d'une façon étrange par le poignet à une sorte de fuseau long et mince. La tête, penchée sur l'oreiller, laissait apercevoir des cheveux rares que la sueur collait aux tempes et un front presque transparent. « Est-il possible que ce cadavre soit mon frère Nicolas ?» pensa Lévin. Mais en approchant, le doute cessa. Il lui suffit de jeter un regard sur les yeux qui accueillirent son entrée pour reconnaître l'affreuse vérité. Nicolas regarda son frère avec des yeux sévères. Ce regard établit les rapports habituels entre eux. Constantin y sentit comme un reproche et eut des remords de son bonheur. Il prit la main de son frère Celui-ci sourit, mais ce sourire imperceptible ne changea pas la dureté de sa physionomie. « Tu ne t'attendais pas à me trouver ainsi, » parvint-il à prononcer avec peine. « Oui, non, » répondit Lévin en s'embrouillant. « Comment ne m'as-tu pas averti plus tôt, avant mon mariage ? J'ai fait une véritable enquête pour te trouver. » Il voulait parler pour éviter un silence pénible, mais son frère ne répondait pas et le regardait sans baisser les yeux, comme s'il eût pesé chacune de ses paroles. Lévin se sentait embarrassé. Enfin, il annonça que sa femme était avec lui, et Nicolas en témoigna sa satisfaction, ajoutant toutefois qu'il craignait de l'effrayer. Un silence suivit. Tout à coup, Nicolas se mit à parler, et à l'expression de son visage, Lévin crut qu'il avait quelque chose d'important à lui communiquer, mais c'était pour accuser le médecin et regretter de ne pouvoir consulter une célébrité de Moscou. Lévin comprit qu'il espérait toujours. Au bout d'un moment, Lévin se leva, prétextant le désir d'amener sa femme, mais en réalité, afin de se soustraire au moins pendant quelques minutes à ses cruelles impressions. « C'est bon, je vais faire un peu nettoyer et aérer ici. Macha, viens mettre de l'ordre, » dit le malade avec effort, « et puis tu t'en iras, » ajouta-t-il en regardant son frère d'un air interrogateur. Lévin sortit sans répondre, mais à peine dans le corridor, il se repentit d'avoir promis d'amener sa femme. En songeant à ce qu'il avait souffert, il résolut de lui persuader que cette visite était superflue. « Pourquoi la tourmenter comme moi » pensa-t-il. « Eh bien, quoi ?» demanda Kitty effrayée. Bon, « c'est horrible. Pourquoi es-tu venue ?» Kitty regarda son mari en silence pendant un instant. Puis, le prenant par le bras, elle lui dit timidement « Kostia, mène-moi vers lui. Ce sera moins dur pour nous deux. Mène-moi et laisse-moi avec lui. Comprends donc que d'être témoin de ta douleur et de ne pas avoir les causes, mais plus réel que tout. Peut-être lui serais-je utile et à toi aussi. Je t'en prie, permets-le-moi. » Elle le suppliait comme s'il se fût agi du bonheur de sa vie. Lévin dut consentir à l'accompagner, et, chemin faisant, oublia complètement Marie Nikolaïevna. Kitty marchait légèrement et montrait à son mari un visage courageux et plein d'affection. En entrant, elle s'approcha du lit de façon à ne pas forcer le malade à détourner la tête, puis sa jeune main fraîche prit l'énorme main du mourant, et usant du don propre aux femmes de manifester une sympathie qui ne blesse pas, elle se mit à lui parler avec une douce animation. « Nous nous sommes rencontrés à Soden sans nous connaître, » dit-elle. « Pensiez-vous alors que je deviendrais votre sœur ?»« Vous ne m'auriez pas reconnue, n'est-ce pas ? » dit-il. Son visage s'était-il limité d'un sourire en la voyant entrer. « Oh, que si ! Comme vous avez eu raison de nous appeler, il ne se passait pas de jour que Kostia ne se souvint de vous et ne s'inquiéta d'être sans nouvelles. » L'animation du malade dura peu. Kitty n'avait pas fini de parler que l'expression de reproche sévère du mourant pour celui qui se porte bien reparut sur son visage. « Je crains que vous ne soyez bien mal ici, » continua la jeune femme, évitant le regard fixé sur elle pour examiner la pièce. « Il faudra demander une autre chambre et nous rapprocher de lui, » dit-elle à son mari. Lévin ne pouvait rester calme en présence de son frère, Mais les détails de l'affreuse situation à laquelle il ne voyait pas de remède échappaient à ses yeux et à son attention troublée. Frappé de la saleté de la chambre, du désordre, du mauvais air qui y régnait, des gémissements du malade, l'idée ne lui venait pas qu'il pût s'enquérir de la façon dont ses pauvres membres étaient couchés sous la couverture, de chercher à le soulager matériellement pour qu'il fût moins mal, sinon mieux. La seule pensée de ces détails le faisait frissonner, et le malade, sentant instinctivement cette conviction d'impuissance, s'en irritait. Aussi Lénine ne faisait-il qu'entrer et sortir de la chambre sous divers prétextes, malheureux auprès de son frère, plus malheureux encore loin de lui et incapable de rester seul. Kitty comprit les choses tout autrement. Dès qu'elle fut près du malade, elle le prit en pitié, et dans son cœur de femme, cette compassion, loin de produire la terreur ou le dégoût, l'apporta au contraire à s'informer de tout ce qui pouvait adoucir ce triste état. Persuadée qu'il était de son devoir de lui porter secours, elle ne doutait pas qu'il ne fût possible de le soulager, et elle se mit à l'œuvre sans tarder. Les détails qui répugnaient à son mari furent précisément ceux qui attirèrent son attention. Elle fit chercher un médecin, envoya à la pharmacie, occupa sa femme de chambre et Marie Nikolaïevna à balayer, épousseter, laver. Elle-même leur prêta la main. Elle fit apporter ou emporter ce qu'il fallait, et sans s'inquiéter de ceux qu'elle rencontrait sur son chemin, elle allait et venait de sa chambre à celle de son beau-frère, déballant les choses qui manquaient, draps, tel oreiller, serviettes, chemises. Le domestique qui servait le dîner de la table d'hôte répondit plusieurs fois à son appel d'un ton de mauvaise humeur, mais elle donnait ses ordres avec une si douce autorité qu'il les exécutait quand même. Lévin n'approuvait pas tous ses mouvements, il n'en voyait pas le but et craignait d'irriter son frère, mais celui-ci restait calme et indifférent, quoique un peu confus, et suivant avec intérêt les gestes de la jeune femme. Lorsque Lévin rentra de chez le médecin où Kitty l'avait envoyé, il vit en ouvrant la porte qu'on changeait le linge du malade. L'énorme dos aux épaules proéminentes, les côtes et les vertèbres saillantes, se trouvaient découverts tandis que Marie Nikolaïevna et la domestique s'embrouillaient dans les manches de la chemise et ne parvenaient pas à y faire entrer les longs bras décharnés de Nicolas. Kitty ferma vivement la porte sans regarder du côté de son beau-frère, mais celui-ci poussa un gémissement et elle se hâta d'approcher. « Faites vite !» dit-elle. « N'approchez pas !» murmura avec colère le malade. « Je mangerai seul !»« Que dites-vous ?» demanda Marie. Mais Kitty entendit et comprit qu'il était honteux et confus de se montrer dans cet état. « Je ne vois rien, » dit-elle, aidant à introduire son bras dans ma chemise. « Marie Nikolaïevna, passez de l'autre côté du lit, aidez-nous. »« Va, » dit-elle à son mari, « prends dans mon sac un petit flacon et apporte le bois. Pendant ce temps, nous terminerons de ranger. » Quand Lévin revint avec le flacon, le malade était couché et tout autour de lui avait pris un autre aspect. Au lieu de l'air étouffé qu'on respirait auparavant, Kitty répondait en soufflant dans un petit tube une bonne odeur de vinaigre aromatisé. La poussière avait disparu, un tapis s'étendait sous le lit, sur une petite table étaient rangées les fioles de médecine, une carafe, le linge nécessaire et la broderie anglaise de Kitty. Sur une autre table, près du lit, une bougie, la potion et des poudres. Le malade lavé, peigné, étendu dans des draps propres et soutenu par plusieurs oreillers, était revêtu d'une chemise blanche, dont le col entourait son cou extraordinairement maigre. Une expression d'espérance se lisait dans ses yeux, qui ne quittait pas Kitty. Le médecin trouvé au club par Lévin n'était pas celui qui avait mécontenté Nicolas. Il ausculta soigneusement le malade, hocha la tête, écrivit une ordonnance et donna des explications détaillées sur la façon de lui administrer des remèdes et de le nourrir. Il conseilla des œufs frais, presque crus, et de l'eau de Sels, avec du lait chaud à une certaine température. Lorsqu'il fut parti, le malade dit à son frère quelques mots dont il ne comprit que les derniers, « Takatia ». Mais à son regard, Lévin comprit qu'il en faisait l'éloge. Il appela ensuite Katia, comme il la nommait. « Je me sens beaucoup mieux, lui dit-il. Avec vous, je me serai guéri. Tout est si bien maintenant. » Il chercha à porter jusqu'à ses lèvres la main de sa belle-sœur, mais craignant de lui être désagréable, se contenta de la caresser. La jeune femme serra affectueusement cette main entre les siennes. « Tournez-moi du côté gauche maintenant et allez tous dormir, » murmura-t-il. Kitty seule comprit ce qu'il disait, parce qu'elle pensait sans cesse à ce qui pouvait lui être utile. « Tourne-le sur le côté, » dit-elle à son mari, « je ne puis le faire moi-même, ne voudrais pas en changer le domestique. » « Pouvez-vous le soulever ?» demanda-t-elle à Marie Nikolaïevna. « J'ai peur, » répondit celle-ci. Lévin, quoique terrifié de soulever ce corps effrayant sous sa couverture, subit l'influence de sa femme et passa ses bras autour du malade avec un air résolu que celle-ci lui connaissait bien. L'étrange pesanteur de ses membres épuisés le frappa. Tandis qu'à grand-peine il changeait son frère de place, Nicolas entourant son cou de ses bras décharnés, Kitty retourna vivement les oreillers afin de mieux coucher le malade. Celui-ci retint une main de son frère dans la sienne et la tira vers lui. Le cœur manqua à Lévin lorsqu'il le sentit la porter à ses lèvres pour la baiser. Il le laissa faire cependant, puis, secoué par les sanglots, sortit de la chambre sans pouvoir proférer un mot. Il a découvert aux simples et aux enfants ce qu'il a caché aux sages, pensa Lévin, causant quelques moments après avec sa femme. Ce n'est pas qu'il se crut un sage en citant ainsi l'Évangile, mais, sans s'exagérer la portée de son intelligence, il ne pouvait douter que la pensée de la mort l'impressionna autrement que sa femme et Agathe Mikhailovna. Cette pensée terrible, d'autres esprits virils l'avaient sondée comme lui, de toutes les forces de leur âme. Il avait lu leurs écrits, mais eux aussi ne semblaient pas en savoir aussi long que sa femme et sa vieille bonne. Ces deux personnes, si dissemblables du reste, avaient sous ce rapport une ressemblance parfaite. Toutes deux savaient, sans éprouver le moindre doute, le sens de la vie et de la mort, et, quoique certainement incapables de répondre aux questions qui fermentaient dans l'esprit de Lévin, elles devaient s'expliquer de la même façon ces grands faits de la destinée humaine, et partager leurs croyances à ce sujet avec des millions d'êtres humains. Pour preuve de leur familiarité avec la mort, elles savaient approcher les mourants et ne les craignaient pas, tandis que Lévin et ceux qui pouvaient, comme lui, longuement discourir sur le thème de la mort, n'avaient pas eu ce courage et ne se sentaient pas capables de secourir un moribond. Seul auprès de son frère, Constantin se fut contenté de le regarder et d'attendre sa fin avec épouvante, sans rien faire pour la retarder. La vue du malade le paralysait, il ne savait plus ni parler, ni regarder, ni marcher. Parler de choses indifférentes lui semblait blessant. parler de choses tristes, de mort, impossible. Se taire ne valait pas mieux. Si je le regarde, il va croire que j'ai peur. Si je ne le regarde pas, il croira que mes pensées sont ailleurs. Marcher sur la pointe des pieds l'agacera. Marcher librement semble brutal. Kitty ne pensait à rien de tout cela, elle n'en avait pas le temps. Uniquement occupée de son malade, elle paraissait avoir une idée nette de ce qu'il fallait faire et elle réussissait dans ce qu'elle tentait. Elle racontait des détails sur son mariage, sur elle-même. Elle lui souriait, le plaignait, le caressait, lui citait des cas de guérison et le remontait ainsi. Mais d'où lui venaient ces lumières particulières? Et Kitty, non plus qu'Agathe Mikhailovna, ne se contentait pas de soins physiques ni d'actes purement matériels. Toutes deux se préoccupaient d'une question plus haute. En parlant du vieux serviteur qui venait de mourir, Agathe Mikhailovna avait dit « Dieu merci, il a communié et a été administré. Dieu donne à tous une fin pareille. » Kitty, de son côté, trouva moyen dès le premier jour de disposer son beau-frère à recevoir les sacrements, et cela au milieu de ses préoccupations de linge, de potions et de pansements. Rentré dans sa chambre à la fin de la journée, Lévin s'assit, la tête basse, confus, ne sachant que faire, incapable de songer à souper, à s'installer, à rien prévoir hors d'état, même de parler à sa femme. Kitty, au contraire, montrait une animation extraordinaire. Elle fit apporter à souper, défit elle-même les malles, aida à dresser les lits qu'elle n'oublia pas de saupoudrer de poudre de Perse. Elle avait l'excitation et la rapidité de conception qu'éprouvent les hommes bien doués à la veille d'une bataille ou d'une heure grave et décisive de leur vie lorsque l'occasion de montrer leur valeur se présente. Minuit n'avait pas sonné que tout était proprement rangé et organisé. Leur chambre d'hôtel offrait l'aspect d'un appartement intime. Près du lit de Kitty, sur une table couverte d'une serviette blanche, se dressait son miroir avec ses brosses et ses peignes. Lévin trouvait impardonnable de manger, de dormir, même de parler. Chacun de ses mouvements, lui, paraissait inconvenant. Elle, au contraire, rangeait ses menus objets sans que son activité eût rien de blessant ni de gêné. Ils ne purent manger, cependant, et restèrent longtemps assis avant de se résoudre à se coucher. « Je suis bien contente de l'avoir décidé à recevoir demain l'extrême onction, » dit Kitty en peignant ses cheveux parfumés devant son miroir de voyage en camisole de nuit. « Je n'ai jamais vu administrer, mais maman m'a raconté qu'on disait des prières pour demander la guérison. » « Crois-tu donc une guérison possible ?» demanda Lévin, regardant la raie de la petite tête ronde de Kitty disparaître dès qu'elle retirait le peigne. « J'ai questionné le docteur. Il prétend qu'il ne peut vivre plus de 3 jours. Mais qu'en savent-ils ? » « Je suis contente de l'avoir décidé, » dit-elle en regardant son mari. « Tout peut arriver, » ajouta-t-elle avec l'expression particulière, presque rusée, que prenait son visage en parlant de religion. Jamais, depuis la conversation qu'ils avaient eue étant fiancés, ils ne s'étaient entretenus de questions religieuses. Mais Kitty n'en continuait pas moins à aller à l'église et à prier, avec la tranquille conviction de remplir un devoir. Malgré l'aveu que son mari s'était cru obligé de lui faire, elle le croyait fermement aussi bon chrétien, peut-être même meilleur qu'elle. « Il plaisantait, » croyait-elle, en s'accusant du contraire, comme lorsqu'il la taquinait sur sa broderie anglaise. « Les honnêtes gens font des reprises sur leurs trous, disait-il, et toi tu fais des trous par plaisir. » Oui, cette femme, Maria Nikolaevna, n'aurait jamais su le décider, dit Lévin. Et je dois l'avouer, je suis bien heureux que tu sois venu. Tu as introduit un ordre, une propreté. Il lui prit la main sans oser la baiser. N'était-ce pas une profanation que ce baiser presque en face de la mort? Mais regardant ses yeux brillants, il la lui serra d'un air contrit. Mais tu aurais trop souffert tout seul, dit-elle, cachant ses joues devenues rouges de satisfaction, en levant les bras pour rouler ses cheveux et les attacher sur le sommet de la tête. Elle ne sait pas, tandis que moi j'ai appris bien les choses à Sedan. Y a-t-il donc des malades comme lui là-bas? Oh, plus malade encore. Tu ne saurais croire le chagrin que j'éprouve à ne plus le voir tel qu'il était dans sa jeunesse. C'était un si beau garçon, mais je ne le comprenais pas alors. Mais je te crois. Je sens que nous aurions été amis, dit-elle. Et elle se retourna les larmes aux yeux vers son mari, effrayée d'avoir parlé au passé. Vous l'auriez été, répondit-il tristement. C'est un de ces hommes dont on peut dire avec raison qu'il n'était pas fait pour ce monde. En attendant, n'oublions pas que nous avons bien des journées de fatigue en perspective. Il faut nous coucher, dit Kitty en consultant sa montre microscopique. Le malade fut administré le lendemain. Nicolas pria avec ferveur pendant la cérémonie. Une supplication passionnée et pleine d'espérance se lisait dans ses grands yeux fixes et sur l'image sainte qu'on avait placée sur une table à jeu couverte d'une serviette à ramage. Lévin fut effrayé de le voir ainsi, car il savait que le déchirement de quitter cette vie à laquelle il tenait en serait plus cruel. Il connaissait d'ailleurs les idées de son frère, savait que son scepticisme ne résultait pas du désir de s'affranchir de la religion pour vivre plus librement. Ses croyances religieuses avaient été ébranlées par les théories scientifiques modernes. Son retour à la foi n'était donc pas logique ni normal. Dû uniquement à une espérance insensée de guérison, il ne pouvait être que temporaire et désintéressé. Kitty avait rendu cet espoir plus vivace par ses récits de guérison extraordinaire. Lévin était tourmenté de ses pensées en regardant le visage plein d'espoir de son frère, son poignet amaigri se soulevant à grand-peine jusqu'à son front chauve pour faire un signe de croix. Ses épaules décharnées et cette poitrine essoufflée qui ne pouvait plus contenir la vie qu'implorait le malade. Pendant la cérémonie, Lévin fit ce qu'il avait fait 100 fois, tout incrédule qu'il était. « Guéris cet homme si tu existes, disait-il en s'adressant à Dieu, et tu nous sauveras tous deux. » Le malade se sentit tout à coup beaucoup mieux après avoir été administré. Pendant plus d'une heure, il ne toussa pas une seule fois. Il assurait, en souriant et baisant la main de Kitty avec des larmes de reconnaissance, qu'il ne souffrait pas et sentait revenir ses forces et son appétit. Quand on lui apporta sa soupe, il se releva lui-même et demanda une côtelette. Quelque impossible que fût la guérison, Lévin et Kitty passèrent à cette heure dans une espèce d'agitation de bonheur craintif. « Il va mieux, beaucoup mieux. »« C'est étonnant. »« Mais pourquoi serait-il étonnant? Il va certainement mieux, » se chuchotait-il en souriant. L'illusion ne dura pas. Après un sommeil pénible d'une demi-heure, le malade fut réveillé par une quinte de toux. Les espérances s'évanouirent aussitôt pour tous, pour le malade lui-même. Oubliant ce qu'il avait cru une heure avant et honte même de se le rappeler, il se fit apporter un flacon d'iode à respirer. Lévine le lui apporta, et son frère le regarda du même air passionné dont il avait regardé l'image, pour se faire confirmer les paroles du docteur qui attribuait à l'iode des vertus miraculeuses. « Kitty n'est pas là ?» murmura-t-il de sa voix enrouée lorsque Lévine eut à contre-cœur répété les paroles du médecin. « Non, alors je te puis parler. J'ai joué la comédie pour elle. Elle est si gentille. Mais nous deux ne pouvons nous tromper. Voilà en quoi j'ai foi, » dit-il, serrant la fiole de ses mains osseuses et aspirant l'iode. Vers 8 heures du soir, pendant que Lévine et sa femme prenaient le thé dans leur chambre, ils virent accourir Marie Nikolaïevna tout essoufflée. Elle était pâle et ses lèvres tremblaient. « Il se meurt, » balbutia-t-elle, « j'ai peur, il va mourir. » Tous deux coururent chez Nicolas. Il était assis, appuyé de côté sur son lit, la tête baissée et son long dos ployé. « Qu'éprouves-tu ? » demanda Lévine doucement après un moment de silence. « Je m'en vais, » murmura Nicolas, tirant à grand-peine les sons de sa poitrine, mais prononçant nettement encore. Sans relever la tête, il tourna les yeux du côté de son frère, dont il ne pouvait apercevoir le visage. « Katia, va-t'en » murmura-t-il encore. Lévine obligea doucement sa femme à sortir. « Je m'en vais, » répéta encore le mourant. « Mais pourquoi t'imagines-tu cela ? » demanda Lévine pour dire quelque chose. « Parce que je m'en vais, » répéta Nicolas, comme s'il eût pris ce mot en affection. « C'est fini. » Marie Nikolaïevna s'approcha de lui. « Couchez-vous, vous serez mieux, » dit-elle. « Bientôt, je serai couché tranquillement, mort, » murmura-t-il, avec une espèce d'ironie irritée. « Eh bien, couchez-moi, si vous voulez. » Lévine remit son frère sur le dos, s'assit auprès de lui, et respirant à peine, examina son visage. Le mourant avait les yeux fermés, mais les muscles de son front s'agitaient de temps en temps, comme s'il eût profondément réfléchi. Malgré lui, Lévine chercha à comprendre ce qui pouvait se passer dans l'esprit du moribond. Ce visage sévère et le jeu des muscles au-dessus des sourcils semblaient indiquer que son frère entrevoyait des mystères qui restaient cachés pour les vivants. « Oui, oui, » murmura lentement le mourant en faisant de longues pauses. « Attendez, c'est cela, » dit-il soudain, comme si tout s'était éclairé pour lui. « Oh, Seigneur !» Et il soupira profondément. Marie Nikolaïevna posa la main sur ses pieds. « Il se refroidit, » dit-elle à voix basse. Le malade resta longtemps immobile, mais il vivait et soupirait par instants. Fatigué de la tension de sa pensée, Lévine sentait qu'il n'était plus à l'unisson du mourant. Il n'avait plus la force de penser à la mort. Les idées les plus disparates lui venaient à l'esprit. Il se demandait ce qu'il allait avoir à faire, lui fermer les yeux, l'habiller, commander le cercueil. Chose étrange, il se sentait froid et indifférent. Le seul sentiment qu'il éprouva était plutôt de l'envie. Son frère avait désormais une certitude à laquelle lui, Lévine, ne pouvait prétendre. Longtemps, il resta près de lui, attendant la fin. Elle ne venait pas. La porte s'entr'ouvrit et Kitty parut. Il se leva pour l'arrêter, mais aussitôt le mourant s'agita. « Ne t'en va pas !» dit-il étendant la main. Lévine prit cette main dans la sienne et fit un geste mécontent à sa femme pour la renvoyer. Le jour parut et la situation restait la même. Lévis se leva doucement, dégagea sa main et, sans regarder le malade, rentra dans sa chambre, se coucha et s'endormit. À son réveil, au lieu d'apprendre la mort de son frère, on lui dit qu'il avait repris connaissance, s'était assis dans son lit, avait demandé à manger, qu'il ne parlait plus de la mort, mais exprimait l'espoir de guérir, et témoignait encore plus d'irritation et de tristesse qu'à l'ordinaire. Personne ne parvint ce jour-là à le calmer. Il accusait tout le monde de ses souffrances, réclamait un célèbre médecin de Moscou et à toutes les questions qu'on lui faisait sur son état, répondait qu'il souffrait d'une façon intolérable. Cette irritation ne fit qu'augmenter. Kitty elle-même fut impuissante à l'adoucir, et Lévin s'aperçut qu'elle souffrait physiquement et moralement, quoiqu'elle ne voulût pas en convenir. L'attendrissement causé par l'approche de la mort s'était mêlé à d'autres sentiments. Tous savaient la fin inévitable, voyaient le malade mort à moitié, et en étaient venus à souhaiter la fin aussi prompte que possible. Il n'en continuait pas moins à donner des portions, à faire chercher le médecin et des remèdes, mais ils se mentaient à eux-mêmes, et cette dissimulation était plus douloureuse à Lévin qu'aux autres, parce qu'il aimait Nicolas plus tendrement, et que rien n'était plus contraire à sa nature que le manque de sincérité. Lévin, longtemps poursuivi du désir de réconcilier ses deux frères, avait écrit à Serge Ivanitch. Celui-ci lui répondit et Lévin lut la lettre au malade. Serge ne pouvait venir, mais il demandait pardon à son frère en termes touchants. Nicolas ne dit rien. « Que dois-je lui écrire ?» demanda Lévin. « J'espère que tu ne lui en veux pas. » « Aucunement !» répondit le malade d'un ton contrarié. « Écris-lui, qu'il m'envoie le docteur. » Trois jours cruels passèrent ainsi. Le mourant restait dans le même état. Tous ceux qui l'approchaient n'avaient plus qu'un désir, sa faim. Le malade seul ne l'exprimait pas et continuait à se fâcher contre le médecin, à prendre ses remèdes et à parler de rétablissement. Dans les rares moments où, absorbé par l'opium, il s'oubliait un instant, il confessait dans un demi-sommeil ce qui pesait à son âme comme à celle des autres. Ah, oh, si cela pouvait finir! Ses souffrances, toujours plus intenses, faisaient leur œuvre en le préparant à mourir. Chaque mouvement était une douleur. Pas un membre de ce pauvre corps qui ne causât une torture. Les souvenirs même, les impressions, les pensées du passé répugnaient au malade. La vue de ceux qui l'entouraient, leurs discours, tout lui faisait mal. Chacun le sentait. On osait faire un mouvement librement, exprimer un vœu ou une pensée. La vie se concentrait pour tous dans le sentiment des souffrances du mourant et dans le désir ardent de l'en voir délivré. Il touchait à ce moment suprême où la mort devait lui paraître souhaitable comme un dernier bonheur. Tout jusqu'à la fin, la fatigue, la soif, ces sensations qui jadis, après avoir été souffrance ou privation, lui causaient une certaine jouissance, n'étaient plus que douleur. Il ne pouvait aspirer qu'à être débarrassé du principe même de ses maux, de son corps torturé. Sans trouver de paroles pour exprimer ce désir, il continuait par habitude à réclamer ce qui le satisfaisait autrefois. « Couchez-moi sur l'autre côté, » demandait-il. Et aussitôt couché, il voulait revenir à sa position première. « Donnez-moi du bouillon, remportez-le. Racontez quelque chose au lieu de vous taire. » Et sitôt qu'on parlait, il reprenait une expression de fatigue, d'indifférence et de dégoût. Kitty tomba malade une dizaine de jours après son arrivée et le docteur déclara que c'était l'effet des émotions et de la fatigue. Il prescrivit le calme et le repos. Elle se leva cependant après le dîner et se rendit comme d'habitude chez le malade avec son ouvrage. Nicolas la regarda sévèrement et sourit avec dédain quand elle lui dit avoir été souffrante. Toute la journée, il ne cessa de se moucher et de gémir plaintivement. « Comment vous sentez-vous ? » lui demanda-t-elle. « Plus mal, » répondit avec peine. « Je souffre. Mais où souffrez-vous ? » « Partout. » « Vous verrez que cela finira aujourd'hui, » dit Marie Nikolaïevna à voix basse. Lévin la fit taire, croyant que son frère, dont Louis était très sensible, pouvait l'entendre. Il se tourna vers le mourant, qui avait entendu, mais sur lequel ces mots n'avaient produit aucune impression, car son regard restait grave et fixe. « Mais qu'est-ce qui vous le fait croire ?» demanda Lévin, en menant Marie Nikolaïevna dans le corridor. « Ben, il se dépouille. Comment cela ?» Ben « ainsi, » dit-elle en tirant sur elle les plis de sa robe de laine. Lévin remarqua effectivement que toute la journée, le malade avait tiré ses couvertures comme s'il eût voulu s'en dépouiller. Marie Nikolaïevna avait prédit juste. Vers le soir, Nicolas n'eut plus la force de soulever ses bras et son regard immobile prit une expression d'attention concentrée qui ne changea pas lorsque son frère et Kitty se penchèrent vers lui afin qu'il pût les voir. Kitty fit venir le prêtre pour dire les prières des agonisants. Pendant la cérémonie, le malade, qu'entourait Lévin, Kitty et Marie Nikolaïevna, ne donna aucun signe de vie. Mais avant la fin des prières, il poussa tout à coup un soupir, s'étendit et ouvrit les yeux. Le prêtre posa la croix sur ce front glacé, et lorsqu'il eut achevé ses oraisons, resta debout en silence près du lit, touchant de ses doigts l'énorme main du mourant. « C'est fini, » dit-il enfin, voulant s'éloigner. Alors les lèvres de Nicolas eurent un léger tressaillement, et du fond de sa poitrine sortirent ces paroles qui résonnèrent nettement dans le silence. « Pas encore, bientôt. » Une minute après, le visage s'éclaircit. Un sourire se dessina sous la moustache et les femmes s'empressèrent de commencer la dernière toilette. Toute l'horreur de Lévin pour la terrible énigme de la mort se réveilla avec la même intensité que pendant la nuit d'automne où son frère était venu le voir. Plus que jamais, il comprit son incapacité à sonder ce mystère et la terreur de le sentir si près de lui et si inévitable. La présence de sa femme l'empêcha de tomber dans le désespoir, car malgré ses terreurs, il éprouvait le besoin de vivre et d'aimer. L'amour seul le sauvait et devenait d'autant plus fort et plus pur qu'il était menacé. Et à peine eut-il vu s'accomplir ce mystère de mort, qu'auprès de lui un autre miracle d'amour et de vie, également insondable, s'accomplit à son tour. Le docteur déclara que Kitty était enceinte.